Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons Cinéma, l'émission d'actualité cinéma où on parle des news qui sont passées durant le mois passé. Voilà. Vous êtes à l'écoute de l'épisode numéro 32, enregistré le 16 juin 2018. Je suis Axel, votre hôte comme d'habitude, et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour cet épisode Eddy, un invité habituel. Salut. Salut. Comment tu vas ? Ça va bien. On parlait un petit peu de Jurassic World Evolution là juste avant, donc toi t'es en plein dedans là, en ce ouais, moment. J'ai craqué dès la sortie, j'ai pris l'édition de luxe avec les, en plus. Avec les... Les DLC ou ouais. Bah, en fait il y avait un premier, en fait l'édition de luxe, il y avait des skins pour les véhicules, notamment le... Il me semble que c'est dans l'édition de luxe, le skin des Jeeps de 93. Ah oui, ouais, d'accord. Donc ça, c'est cool. Qui sont facilement débloquables, en plus, ouais. Sur Steam. Et des dinos, quand même, d'autres oui, dinos. Oui, oui, oui. Quelques ouais. Nouveaux dinos. Et voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Et a priori, ils ont confirmé qu'il y aurait un DLC en lien avec Fallen Kingdom. D'accord, ok. Donc il présentera les dinos de Fallen Kingdom, a priori les Indoraptors. Ouais. Ce serait une belle saleté, je pense, à confiner dans le parc. Ouais, j'imagine. Parce que là, on a les Indominus Rex, mais on n'a pas le. Et... Mais ils n'ont pas précisé de date encore. D'accord, ok. En mais ça, cas, à mon avis, ça viendra parce que le jeu sort en version physique. Ah oui, c'est en juillet. En juillet, ouais, c'est ça. Donc, ouais. À mon avis, ouais, vu que ça sort vraiment plus tard que la version dématérialisée, ouais. Je pense qu'ils feront le lien avec ça, en fait. Ok, ouais. Donc toi, c'est bon, là, t'étais parti pour plusieurs heures, des centaines d'heures sur le jeu. Je dois être... Combien que je suis sur Jurassic World ? Oh, je suis déjà bien à une petite vingtaine d'heures, ouais, je pense. Ouais, ouais. Depuis le 12. Je crois que c'est ce que j'ai vu à peu près 28 heures, Steam, voilà. De toute façon, à chaque fois que je me connecte sur Steam, je te vois sur Jurassic World. Donc, voilà. C'était soit Jurassic World, soit Plane Coaster. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Je suis un bon client de Frontier Development. Ouais, c'est clair. C'est clair. Pas de soucis. Non, mais c'est cool au moins que je te plaise au moins. Parce que, ouais, ouais, il est cool. Après, c'est de la gestion, c'est simple quoi. C'est du bichonnage de dino, hein, beaucoup. Hein. Ouais. Mais il y a des missions. C'est tout. Plus enfin, grand quand tu public que à... Planet Coaster, j'imagine. Oui, bah, Planet Coaster, c'est la création, surtout. Ouais, ouais. La gestion n'est pas forcément hyper, hyper poussée dans Planet Coaster, mais là, Jurassic World Evolution, il est vachement bien. Mais c'est vrai que bon, quand tu commences à avoir quelques raptors et des tempêtes et des machins, ça se corse un peu. Ouais. Ouais. Ce qu'il faut faire, c'est mettre les dinosaures carnivores avec les herbivores. C'est, vraiment, c'est assez marrant. Ouais. Ce qui après, se passe. Vu le prix des dinos, ouais. Moi, j'évite parce que bon... Ok. Bon, on n'est pas là pour parler de Jurassic World, même si, franchement, moi, j'en parlerai encore un petit peu, mais c'est pas grave. Il y a pas mal de news qui sont tombées. On va parler des actualités du 7 mai, donc dernier épisode, date d'enregistrement du dernier épisode, jusqu'au 16 juin, date d'enregistrement de cet épisode. Il y a pas mal de bandes annonces qui se sont passées, donc du coup, voilà, on va commencer directement avec une news concernant Peter Jackson. On parlait, il me semble, dans le dernier Parlons Cinéma de Peter Jackson, qui, enfin, Tintin 2 n'est toujours pas mort, mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment où ça en est. Peter Jackson, là, en ce moment, il est en train d'hésiter entre la série Seigneur des Anneaux, du coup, qui sera faite par Amazon, et où un film DC qui n'a pas encore été nommé, sachant que Cyborg, Green Lantern Corps, Justice League Dark ou Batgirl sont des films DC qui n'ont pas encore de réalisateur attribué. Donc c'est une possibilité. Il y avait Joss Whedon qui était pressenti pour Batgirl, je crois. Il était dessus, mais il l'a quitté. Ouais. Pas plus mal. Donc voilà. sachant que sa dernière production, donc il a scénarisé Mortal Engines. Qui sortira le 12 décembre dans Peter Jackson, ça. Ouais, Peter Jackson, oui, pardon. Peter Jackson a scénarisé Mortal Engines et produit aussi. Donc, qui sortira le 12 décembre, mais ça, il ne l'a pas réalisé. Donc, voilà. Et moi, j'avais entendu dire que du coup, le Seigneur des Anneaux, la série, il ne serait finalement pas dessus. C'est toujours pas clair, hein, parce que moi, les dernières news que j'ai lues, c'est que d'un côté, il disait non, je serai pas dessus, mais de l'autre, son agent et tout ça disait oui, il serait quand même producteur exécutif ou des choses comme ça. Enfin, ouais. Il va le faire à la Spielberg sur Jurassic World, quoi. j'imagine. Ouais. Mais en pas tout très, cas... pas trop impliqué, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. En tout cas, enfin, moi, je l'espère, parce que, clairement, je sais que tout le monde est super hypé par la série Seigneur des Anneaux par Amazon. Ah, moi, bah, je... pas moi, non. Je... Voilà, c'est ça. Je crois qu'on est les deux seuls au monde à pas l'attendre. Mais c'est vraiment... Bah, c'est... Enfin, je serais hypé s'ils adaptaient un truc qu'on n'avait pas vu, quoi. Mais oui. Mais là... Moi, ils auraient adapté le Silmarillion, ok. Ouais. Surtout que ça aurait... Enfin, je pense que le Silmarillion... Enfin, je ne l'ai pas lu, mais je pense que c'est plus facilement adaptable sous forme série. De série ouais. que sous forme de film. Oui, oui, c'est plus... Parce que c'est un peu... Enfin, c'est déstructuré. Ce n'est pas une aventure de bout en bout. C'est pour ça que... Enfin, Seigneur des Anneaux, enfin, Peter Jackson a fait du bon boulot dessus. Il a fait des films quasiment parfaits, donc je ne vois pas ce qu'on pourrait rajouter de plus. Ouais. À part tous les fans qui vont crier sûrement quand on verra que Tom Bombadil sera là enfin. Oui, c'est mais, ça. En fait, c'est ça, je pense qu'ils vont, ils vont en fait satisfaire les gens qui... les fans hardcore du bouquin et ouais, qui ont gueulé parce que tout n'était pas l'adaptation de Jackson. Mais en même temps, ils ont fait des choix logiques. Ouais. Ils ont intégré ce qui devait... ce qui avait intérêt à être dans le film, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, par mesure de temps et tout ça, ils n'ont pas intégré Tom Bombadil. Parce que dans le bouquin, ok, il est sympa le personnage, mais pas... C'est le passage chez lui, c'est chiant. moi c'est ce qui m'avait fait décrocher donc moi il me plaît beaucoup mais le personnage mais c'est pas capital à l'histoire clairement donc moi personnellement cette série c'est vraiment quelque chose que je veux pas voir du tout. Je trouve que les films sont parfaits comme ils sont, surtout que là bien sûr on va être avec des nouvelles technologies donc plus enfin on va pas se prononcer enfin je vais pas me prononcer dessus mais je pense qu'ils vont plus aller vers le CGI que vers ce qu'avait fait Peter Jackson avec... Surtout que c'est moins cher au final, le CGI, que de faire des costumes. Pas faute d'avoir du budget. Hein. Voilà, c'est ça, mais quand même. On verra bien. En tout cas, si les studios avaient du budget et qu'ils prenaient toujours les bonnes décisions, ça se saurait. Oui. Bon, après, Amazon, ils n'ont pas vraiment... Enfin, ils ont des séries qui ont certains bons retours critiques. American Gods apparemment. Ouais, c'est voilà. The Man in the High Tower, enfin des choses comme ça. Mais apparemment, enfin voilà, Amazon c'est toujours pas Netflix niveau popularité, en tout cas en France. Aux États-Unis ça commence à se développer quand même pas mal, mais en France c'est toujours pas ça. Donc voilà, bon, parlons de choses qui est plus probable du coup. Que Peter Jackson du coup adapte, enfin se mette dans l'univers DC. Est-ce que ça t'intéresserait toi de voir un film DC par Peter Jackson ou pas, sachant que il y a encore le Tintin qui doit réaliser. Tu préférais voir le Tintin d'abord et Le Tintin, oui, moi, parce que moi je l'attends de toute façon, mais c'est vrai que un film DC par Peter Jackson, ça me déplairait pas, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ça c'est vrai que ça pourrait, enfin ça pourrait donner quelque chose d'assez unique. Enfin il faut juste que les studios lui laissent faire ce qu'il a envie de faire et qu'il soit pas trop bridé, mais bon c'est pas comme s'il allait chez Marvel on va dire, mais voilà quoi, donc on verra bien ce que ça peut donner. En tout cas moi personnellement je l'attends plus sur le Tintin que sur un film DC, même si je suis plutôt curieux de voir ce que ça pourrait donner. Donc voilà ce qu'on sait pour l'instant. On vous en dira plus, bien sûr, quand on aura plus de nouvelles là-dessus, sur ce que ce bon vieux Peter va nous faire pour son prochain film. Voilà. Passons à la suite avec les premières images de The Predator. Donc voilà, après Predator 1 et 2, Predators, on repasse sur The Predator. Ils auront fait tous les titres. Voilà. C'est le nouveau film de Shane Black, donc, qui était acteur dans le premier de John McTiernan. Il n'avait pas un grand rôle, mais voilà, il était dedans. Shane Black qui a bien sûr réalisé Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man 3, The Nice Guy. Il a scénarisé L'Arme Fatale, Le Dernier Samaritain et Last Action Hero. Donc voilà, on a la première bande-annonce. Le film sort le 17 octobre prochain. Et moi personnellement, j'aime beaucoup le premier et la suite, c'est vraiment. Enfin, moi, j'aime pas du tout le 2, il passe encore, mais le Predators de. Mince, maintenant j'oublie son nom, c'est Nimrod Antal, voilà. Je l'ai pas, enfin, je l'ai trouvé vraiment nul. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'on va de nouveau nous servir. En fait. La balance nous sert du. On voit qu'ils ont vu le succès de Hit. Du coup, on sent des influences années 80, enfin Hit, Stranger Things, etc. dans la réalisation, etc. C'est vraiment. Ouais, il y a un petit enfant qui ouvre un paquet, qui trouve une technologie, etc. Et c'est filmé. Enfin voilà, c'est filmé comme un Spielberg des années 80, donc comme Hit. Ouais. Voilà. Bon, après les scènes d'action, c'est quand même un peu plus plus punchy que E.T., mais ça reste. Moi, je trouve que c'est clairement pas un film que j'attends, même si j'aime beaucoup le premier. Franchement, le premier pour moi, c'est un des meilleurs films d'action qui a jamais été réalisé, un meilleur film de science-fiction aussi. Mais voilà, ça restait à sa place, c'est-à-dire un actionneur un peu con-con et qui faisait plaisir et qui se prenait pas trop la tête. Là, j'ai l'impression qu'on part un peu dans des choses qui me plaisent pas trop en fait pour la saga Predator. En fait, j'aimerais bien que la saga Predator reste comme elle est, c'est-à-dire avec le 1, enfin avec ceux qui sont sortis et puis qu'on n'en sorte plus. Mais bien sûr, ça n'arrivera jamais puisque il faut bien ressortir des sagas qui ont fonctionné dans le passé. Donc voilà, moi je suis pas emballé, même si c'est Shane Black à la réalisation, que c'est finalement, pas, enfin, de ce qu'on a vu de la bande-annonce, c'est pas dégueulasse. Les acteurs ont l'air plutôt cool, mais voilà, moi c'est clairement pas un film qui m'enthousiaste. Je suis pas enthousiaste à l'idée de ce film, donc voilà. Mm. Toi, Eddie, je sais que tu n'as pas vu Les Prédateurs, il me semble, la saga. Mm. Donc, est-ce que tu as vu la bande-annonce ou pas du tout ? Non. Non, ok, donc tu t'en fous complètement de cette... Un peu, ouais. Oui. Voilà. Donc, c'est... donc, comme ça, au moins, c'est clair. Ouais. Non, mais c'est très bien. Enfin, moi clairement, je suis vraiment pas enthousiaste à l'idée de voir ce film. Donc, je pense pas que j'irai le voir, à moins qu'il y ait un énorme retour critique et public. Ah, des fois, il peut y avoir des bonnes surprises. Oui, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, ouais, j'irai pas le voir le jour de sa sortie, ça c'est clair. Mm. On passe à la suite avec le nouveau Lars von Trier là, qui m'intrigue et qui m'excite beaucoup plus. The House That Jack Built. Donc c'est le film le dernier film de Lars von Trier qui a été présenté à Cannes 2018. Mm-hmm. Voilà, bande-annonce très sanglante avec une histoire de tueur en série. C'est vraiment... enfin. C'est à l'image de Lars von Trier, on va dire. Un gros casting aussi. Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman pour les rôles principaux. Est-ce que toi, tu as vu la balance du coup ? Pas du tout. Bah, du coup, non, parce non. Que. parce que j'étais pas spécialement. J'étais pas spécialement. Comment dire le... Ouais, j'ai eu des mauvais retours moi, sur la bande annonce, comme quoi c'était assez assez sanglant et le film apparemment est assez assez lourd. Ouais. Donc ça me botte pas des masses. Ça te botte plus, même si c'est Lars von Trier derrière. Bah après Lars von Trier, moi j'ai beaucoup aimé Mélancolia et j'ai trouvé les deux parties de Nymphomaniac très intéressantes, mais après, c'est pas un réalisateur dont je suis forcément hyper fan. Mmh. Après, il y a certainement des films de lui que j'ai pas encore vu que je verrai parce qu'il y en a qui m'intéressent. Ouais. Mais par exemple, Dancer in the Dark, moi, qui est considéré comme étant un de ses meilleurs films, moi, j'aime pas du tout. Ouais, ouais. Donc, du coup, voilà. Ouais, non, mais oui, c'est clair. Moi, j'ai vu que Nymphomaniacs 1 et 2 pour l'instant de Lars von Trier. Donc, Ah oui. Ouais, non, j'ai même pas vu Mélancolia, tu vois. Ouais. Je sais qu'il faut que je le voie. Morgan me pousse aussi à voir Dancer in the Dark d'ailleurs. Oh. je verrai bien si je le verrai, mais bon, le fait qu'il y ait Björk dedans, ça me bloque je vais pas vous le cacher. Bref, mais en tout cas là, de ce que j'ai vu de la bande annonce, ça a l'air vraiment, on dirait vraiment un Tarantino du Nord, quoi. Sadique, ouais. Ouais, c'est clair. Non, franchement, visuellement, c'est super intéressant. On dirait enfin, il y a certains plans qui font penser à des films amateurs un peu, mais en même temps, tu sens quand même le côté professionnel derrière. C'est vraiment bizarre. Et de la bande-annonce, vraiment, on connaît rien de l'histoire, vraiment. Ouais. On voit juste des scènes de meurtre à la suite, quasiment. D'ailleurs, une belle scène où le héros, j'imagine, du film, transporte derrière son 4x4 un cadavre qu'il laisse traîner sur la route, et du coup, on voit sa face qui rappe contre le pavé. C'est complètement barré. Enfin, franchement, ça a l'air d'être assez gore. Hein. Enfin, voilà, pas de concession, hein, c'est Lars von Trier. Mais voilà, moi, ça m'intéresse quand même pas mal. Et on n'a toujours pas de date de sortie. Donc voilà. C'est super, ça, oui. Les bandes annoncent qu'il n'y a pas de date de sortie. Ah, attends, si. Dans la bande annonce, il n'y avait pas de date de sortie, mais apparemment, il y a une date de sortie, 17 octobre 2018. Ouais. Donc. Okay. Voilà, octobre, allez voir The House That Jack Built et pas The Predator. passons à la suite avec Bohemian Rhapsody, donc aussi un film qui sort en octobre, le 31 octobre, ben dis donc. Bonne annonce attendue, parce qu'on on entendait pas mal sur ce qui allait se passer, enfin sur le film on avait déjà parlé, est-ce que Rami Malek sera à la hauteur du personnage de Freddie Mercury ? On avait eu des images qui nous rassuraient quand même pas mal, mais après, on savait qu'il y avait certains passages du film qui étaient censés être chantés par l'acteur et pas doublés par du... Enfin, pas que l'acteur double du Freddie Mercury, du coup. Donc, voilà. Bon, on n'a pas vu ça dans la main-annonce, en tout cas. On n'entend que la voix de Freddie Mercury... l'original, j'ai envie de dire. Donc voilà, bande annonce vraiment rythmée, avec des moments, enfin les moments importants de la carrière de Queen et plus précisément de Freddie Mercury. D'ailleurs, il y a aussi le fameux Live Aid de 85 qui est gigantesque, enfin énorme. Visuellement, ça rend très très bien. C'est au niveau de la réalisation, c'est un peu compliqué du film, puisque c'est passé aux mains de Dexter Fletcher, donc qui avait réalisé Eddie the Eagle. Qui était un très bon film. Un sympathique petit film, mais très bon. Mais Bryan Singer, du coup, a été évincé par la Fox. Voilà. Et donc, le film sort le 31 octobre. Toi, tu as vu la main-annonce du coup cette fois-ci sur celui-là. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Je sais que tu étais un peu. Tu étais curieux, mais en même temps, tu étais sceptique quant à Rami Malek. Est-ce que tes doutes ont été confirmés ou pas ? Non, j'étais pas sceptique. C'était au tout début quand même. Un petit peu. Il me semble, quand on en parlait. Sûr que c'est pas Morgan ou. Ah, c'est possible, ouais, mais en tout cas. Non, parce que moi j'ai toujours dit que. Enfin, après, je peux me tromper aussi, mais. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais je me rappelle avoir toujours dit que ça m'avait bluffé, mm-hmm. la ressemblance et tout. Ah, oui, alors ça devait être Morgan, pardon. Ouais. Et c'est vrai que, Rami Malek, non, au contraire, je suis assez confiant, je pense qu'il arrivera vraiment à porter le truc. Et même les autres membres du groupe, hein. Oui. On va retrouver Sir Peter Baelish. Oui, voilà. Exactement. Qui sera en meilleure forme, je pense, que dans la dernière saison de Game of Thrones. Ouais, on l'espère. Hein. Ouais. Ouais, mais il y a pas mal. C'est vrai qu'il y a des acteurs qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas vus. Ouais, Alan Leach, il avait joué dans Downton Abbey, que moi j'avais adoré, la série. Ouais. Donc Ben Hardy pour Roger Taylor, ouais. Joseph Mazzello pour John Deacon. Oui, et, Joseph Mazzello, c'est Tim dans Jurassic Park. C'est ça. Et je crois qu'on ne l'a pas vu dans autre chose depuis Jurassic Park. Et celui qui, pour moi, ressemble le plus, c'est Gwilym Lee, qui joue Brian May, et qui est vraiment extrêmement ressemblant, je trouve. Ah oui, mais j'ai pas la... J'ai pas la photo. En tout cas, au niveau des scènes et tout ça, ça a l'air d'être assez spectaculaire. Oui, ça y est, c'est bon. Ouais. Tu vois quand, enfin, ressemblance, c'est quand même assez dingue. Oui. Je trouve qu'ils ont fait un très bon Le casting travail est vachement bien. Casting, ouais. Tom Hollander aussi, qui Tom Hollander, c'était, on l'a surtout vu dans Pirates des Caraïbes. Oui, exactement. Il jouait Lord Cutler Beckett. Ouais, C'est un bon acteur aussi, je trouve. Est-ce que toi, tu es impatient de voir ce film ou pas? Oui, j'irai le voir au cinéma, je pense même, parce que déjà j'aime Queen, j'ai toujours aimé Queen. Et parce que Queen, enfin c'est vrai que c'est, peu importe la génération, on a tous plus ou moins grandi avec leurs chansons en fait. C'est ça, exactement. Donc c'est ce qui est super, tout le monde connaît au moins une chanson de Queen. Et puis ne serait-ce que pour Freddie Mercury quoi, parce que c'est vraiment au-delà de l'artiste, c'était vraiment quelqu'un je trouve d'assez passionnant en fait. Ouais. Et je pense que Rami Malek a les épaules pour bien le tenir quoi ce personnage-là. Ouais. Et donc oui moi je suis assez confiant et la bande-annonce m'a bien plu. Donc maintenant reste à voir si le film sera à la hauteur Ouais, de la des légende. attentes. Mais oui Ouais. mais je pense que enfin je sais pas Tu pars confiant. je suis quand même assez confiant. Ouais. Ok, ouais. Moi aussi, je suis assez confiant. Malgré tout, j'ai quand même des petites peurs. Enfin, j'ai peur en fait que le biopic soit trop lisse, qu'il n'y ait pas de choses vraiment sulfureuses et qu'on n'aille pas vraiment dans les détails et qu'on évite en fait tout ce qui fait, enfin, tout ce qui a fait la légende de Freddie Mercury, voilà, en dehors de ce qu'il faisait. Mais voilà, moi je pars quand même confiant. Mais avec un petit doute quand même sur le fait que mince, maintenant j'oublie son nom, bien sûr, Borat et Bruno et Ah, Sacha ouais, Baron Sacha Baron Cohen. Cohen, voilà, n'aient pas pu faire son film du coup que les membres de Queen lui aient refusé de faire son film, ça me et qu'ils aient accepté ce film en fait, ça me fait un petit peu peur quand même. Mais voilà, c'est une Ouais. toute petite réserve, Ah mais oui, tu penses que c'est parce que le projet porté par Singer semblait plus sage, quoi, à leurs yeux. ouais, c'est ça. Je pense clairement qu'il était plus sage et plus aseptisé en fait Ouais. que Sacha Baron Cohen. Après, Bryan Singer, ça reste quand même un réalisateur assez surprenant, je trouve. Oui, non, c'est clair, c'est clair. Voilà, et aussi le fait qu'on ait changé de réalisateur enfin en plein milieu du tournage peut aussi amener ses problèmes. Enfin voilà, tout, on va dire que je pars très confiant, mais j'ai une petite réserve quand même. Voilà, mais en tout cas, je suis très impatient de le voir et je pense que ça va quand même donner pas mal niveau visuel. Déjà, c'est la bande-annonce en donne, enfin, on en voit pas mal à la tronche. Donc voilà. Passons à la suite avec Mowgli. Donc la bande-annonce est sortie, la version du livre de la jungle d'Andy Serkis. Enfin. Voilà. Le film sort le 24 octobre. Donc en octobre, je sais pas comment on va faire, mais Ça va être un sacré mois, il va ouais. y avoir des films, voilà, vraiment tout le temps. Donc, 2 ans après la version live du livre de la jungle de Jon Favreau par les studios Disney, Andy Serkis dévoile son film, donc Mowgli, anciennement Jungle Book Origins. Oui, Les j'aime deux. autant Mowgli. Oh, oui, c'est peut-être un peu mieux quand même. Les deux longs métrages sont adaptés de l'œuvre de Rudyard Kipling, mais la version de Disney reprenait le film d'animation de Wolfgang Reitherman de 1967 et était donc tout public, alors que le film de Andy Serkis est pour sa part annoncé comme étant plus sombre et plus proche de l'œuvre initiale. Et ça se voit, hein, dans la Euh, voilà, bande-annonce. c'est annoncé dès le début de la bande-annonce. Voilà, c'est avec d'ailleurs la bande-annonce qui s'ouvre sur Mowgli enfermé dans une cage comme un animal. Arrivé au village des hommes, en fait, il va peut-être pas être accueilli en grande pompe comme le montrait le film de Disney, du coup, en 67. Mais même si ça restait quand même assez. Oui, non, c'était Enfin, quand même. ils en faisaient. Enfin, ça allait, je trouve. Oui, La oui. version live comme la version animée, ils appuient. Enfin, c'était. La finalité du film, c'était. Avant d'arriver au village des hommes, c'est comment Mowgli devenait un homme, surtout. Oui, c'est ça, c'est clairement ça. Mais là, on le voit quand même capturé chez les humains, donc Ouais. c'est un peu plus Après, il grave. a obligation de se détacher aussi un peu, hein. Oui, non, mais c'est pas, enfin, Oui, heureusement, non, oui, ouais, bah puis oui, heureusement. bah si c'est pour revoir la même chose que Disney, Ouais, c'est non, pas la peine, quoi. c'est clair. D'ailleurs, il a été interrogé par, J'ai des trous de mémoire. Andy Serkis, voilà. A été interrogé par Screen Rant pendant la Comic-Con de San Diego et il avait listé en fait les différences entre sa version et celle de Disney. Il disait que la sienne utilisait la performance capture alors que la leur non. Et C'était pas de la performance capture Disney. Apparemment non. Ça paraissait quand même très beau. Ouais. Après tous les personnages je sais pas, mais je pensais au moins pour Baloo et le roi Louis quoi. Oui, non, apparemment il a dit que c'était pas en full. Alors je sais pas s'il a des insides ou. Je sais pas. Voilà. Bref, le sien est tourné en décor réel, dans des vrais décors en Afrique du Sud. Il ressemble. Je pense plus que c'est à... ce qui fera beaucoup la différence. Ouais. Il ressemble plus à un film vu en. Enfin, parce qu'après, c'est vrai que le Disney, moi, je l'ai revu il y a pas longtemps. C'est beau. Hein. Oui, non. Visuellement, ça reste quand même assez dingue. Enfin, il y a un bel effort. Puis ça fonctionne bien, surtout. C'est que on n'a pas de mal à trop y croire, quoi. Ouais. Mais après, je pense qu'Andy Serkis, il y aura. Enfin, dans la bande-annonce, on ressent plus l'ambition du projet aussi. Oui. Plus que sur le film de John Favreau. Ouais. Donc, niveau casting, donc vocal et performance capture, hein, Benedict Cumberbatch qui jouera le rôle de Shere Khan. Christian, oh, ça, j'ai hâte. Ouais, Christian Bale, Bagheera. Kate Blanchett, K, et Andy Serkis, Baloo, ainsi que Naomi Harris, Nisha. Voilà, le rôle de Mowgli est tenu par le jeune Rohan Chand, déjà vu dans les recettes du bonheur et la série Homeland, et Freda Pinto incarnera une femme du village. Voilà, donc bande annonce assez complète, hein. On voit quand même pas mal de choses. Toi, tu en as pensé... Est-ce que tu l'attends, ce film, et tu en as pensé quoi? Bah du coup, oui, parce que... parce que bah, c'est vrai que même si j'avais apprécié la version de Disney, même la version live, parce que moi je suis pas forcément très très fan du film d'animation, même si avec le temps j'apprends à plus l'apprécier quand plus même. Ouais. Mais c'est vrai que la version live, du coup quand elle est sortie, ça me laissait un peu indifférent. Puis quand je l'ai vu, ça avait été une bonne surprise. Mais c'est vrai que dans l'idée, j'ai toujours un peu plus attendu quand même la version de Serkis, parce que, ben, notamment au niveau de la performance capture, et que lui, du coup, c'est quand même un vrai acteur de performance capture. Oui. Et je savais, enfin, je me doutais qu'il aurait un regard complètement différent, en fait, sur la technologie employée pour son film. Et c'est ça qui me bottait surtout. Ouais. Et c'est ce qui me botte toujours, parce que la bande-annonce confirme, je pense que ce sera vraiment... Je ne sais pas si le film sera excellent, mais en tout cas, je pense que ce sera techniquement, beau. Techniquement, ouais. Ce sera beau à regarder déjà. Donc oui, ça reste quand même très, très joli à regarder. Les couleurs déjà dans la bande-annonce et tout. Même l'affiche, elle est jolie, je trouve. Ouais, l'affiche est très, très, très belle. Et, enfin, c'est sûr que là, on est loin de l'affiche de la version live de Disney. Donc voilà. Moi, je l'attends quand même. J'aime beaucoup... c'est un de mes Disney préférés, le livre de la jungle, celui de 67, hein, pas le live. J'étais allé un petit peu réticent en allant voir au cinéma l'adaptation, et finalement, comme toi, c'était une bonne surprise. Mais c'est clair que le fait qu'on entendait parler depuis des années, clairement, de ce Andy Serkis qui allait adapter le livre de la jungle, ça me rendait vraiment curieux. Et là, ma curiosité est toujours la même, en fait. Je suis impatient, en fait, d'aller le voir, de découvrir ce que ça va donner, de voir ce qu'il va faire de l'histoire, en fait. C'est ce qui m'intéresse le plus, voir quelque chose d'un peu plus, sombre que la version Disney. Bien sûr, il n'y aura pas de chanson hein, cette fois-ci. voilà, Baloo ne se mettra pas à chanter. Si c'est vrai, dans la version live, je trouve que ça passe bien. Hein. De Disney. Ouais. Non, ça me choquait pas, hein, c'est vrai que ils en abusaient pas non plus, quoi. C'était vraiment la ligne était bien, enfin je trouvais qu'il dépassait pas la ligne. Le ton du film fonctionnait bien. Ouais. Voilà, c'est ça, ouais, exactement. On sentait que c'était pas mis là parce qu'il fallait que ça soit mis là. Ouais. Donc voilà, moi je reste confiant, l'abondance a l'air vraiment, enfin ça, le film a l'air beau, sachant que c'est le premier film d'Andy Serkis, il me semble, qui tourne entièrement tout seul. oui. Réalise tout seul. Il a réalisé quand même, enfin c'était la deuxième équipe sur tout le Hobbit, deuxième équipe de réalisation sur tous les trois films de The Hobbit. Mm. Mais là, voilà, donc il s'attaque à son premier film en, en réalisateur et on verra bien ce que ça va donner. Voilà, le 24 octobre, passons à la suite avec un film qui m'intéresse pas mal quand même. C'est Les Frères Sisters, le prochain film de Jack Audiard. J'ai dit Jack Audiard, c'est Jacques. mais c'est, je le dis parce que justement, c'est son premier film entièrement tourné en, en langue anglaise, donc américain. Il s'agit aussi d'un western, donc c'est vraiment... C'est vrai que Jack Audiard sur un western, ça peut vraiment le faire. Ouais. C'est surprenant et en même temps, c'est, on pouvait l'attendre là-dessus. Quoi. C'est vraiment. Et puis, les premières images qu'on a pu voir, donc on a eu la bande-annonce qui franchement m'a beaucoup plu. Au niveau du casting aussi, un gros casting. Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed. Oui, il s'entoure bien. Hein. Mais il a la cote, hein, de toute façon. Hein. Oui, il a la cote. Parce qu'Un Prophète avait bien marché. Ouais. Et De Rouillé d'Os avait bien marché aussi, je crois, aux États-Unis. Dipan aussi. Hein, Dipan, oui, ouais, c'est vrai. Donc, oui, c'est, même s'il était, il était pas ouf, mais voilà. Les Frères Sisters, ça parle de. C'est adapté d'un bouquin écrit. Alors j'avais le nom juste avant Patrick DeWitt, voilà. Les frères Sisters se centrent sur deux frères criminels, Charlie et Ellie Sisters, qui évoluent dans un monde sauvage et hostile. Ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer. Charlie, le cadet, est né pour ça. Ellie, lui, ne rêve que d'une vie normale. Ils sont engagés par le Commodore pour rechercher et tuer un homme. Donc le scénario a pas l'air ça a l'air vraiment d'être un western classique on dirait un peu du True Grit mais ah oui, il y a Carole Kane, c'est vrai. Ouais, Carole Kane aussi, ouais. C'est Liliane. Oui, voilà. Ouais, ça va faire un peu bizarre mais ça va. Tu as toujours la voir en train de vouloir défendre le Bronx contre les hipsters. Puisque Carole Kane joue dans Unbreakable Kimmy Schmidt. Oui. Voilà, qu'Axel et moi aimons beaucoup. Ouais, non, elle est excellente. Ouais. Mais moi, le film m'intéresse beaucoup visuellement. Ce qui m'intéresse énormément, c'est le fait de voir un Français aux États-Unis s'attaquer au genre le plus américain possible, le western. C'est vraiment. La vision de Jack Audiard sur le western m'intéresse énormément la bande-annonce confirme ce qu'on pouvait douter du film. C'est déjà visuellement c'est super beau, on a les grandes plaines américaines bien sûr qui font toujours plaisir dans le western, mais même les saloons etc. au niveau des costumes, de la reproduction de l'époque, ça a l'air vraiment assez fidèle et plutôt agréable à parcourir. Moi ça m'intéresse énormément, sachant que dans la période qui le 19 septembre, c'est assez proche de la sortie d'un autre, comme on parlait de jeux vidéo juste avant, je me permets de faire une petite parenthèse, il y a Red Dead Redemption 2 qui va sortir, vrai. Donc Ça ira très bien avec, et juste en sortant du film, on pourra jouer au jeu et ce sera parfait. Dans Red Dead Redemption, il y avait pas, c'était pas un peu fantastique aussi? C'est à partir du DLC sur les zombies. Mais sinon, le jeu original est très très fidèle à l'époque. C'est vraiment. Oui, c'est Rockstar Games. Oui, c'est ceux qui font GTA, voilà. Pour ça que c'est bien, quoi. Ouais, ouais. Donc c'est GTA au western, si on veut simplifier tout simplement. Mmh. Voilà. Moi je suis très impatient de voir ce film. Toi, tu as vu la balance ou pas du tout? Non, je ne l'ai pas vu. D'accord. Je suis en train de réfléchir, mais non, je ne l'ai pas vu. Est-ce que l'idée t'intéresse ou pas? Ça reste un western malgré tout. Ouais, toi, c'est vrai que tu n'es pas très fan de western, mais... Ça reste un western malgré tout, donc bon... Ouais. Le fait que ce soit un Français quand même... Ouais, oui, c'est vrai, mais... Qui s'attaque au western. Mm. Ouais. Non, voilà. Bon, c'est vrai que moi, je suis pas forcément. Non, mais... c'est pas forcément un genre qui me botte beaucoup. Mm-hmm. Oui, non, mais je peux comprendre. Hein, c'est vraiment très codifié. Mm. Et si on accroche ou on accroche pas. Après, mais... c'est arrivé. Hein, y a des westerns que j'apprécie, mais. Enfin, True Grit, par exemple, j'avais bien aimé. Ah oui, True Grit, voilà. Non, mm. Voilà, mais c'est vrai que True Grit, c'est un petit peu différent que d'un western traditionnel, on va dire. Et c'est ce qu'on peut peut-être attendre sur ce film de Jacques Audiard, j'imagine. Voilà, puisque de la bande-annonce, ce qu'on voit, c'est surtout des gunfights, des batailles dans des saloons, etc., à coups de poing, mais je pense que l'histoire risque d'être un peu plus profonde que ça. Donc voilà. Passons à la suite avec des choses qui encouragent un peu moins quand même. On est un peu perdu au niveau DC. On parlera plus tard encore des futurs projets DC, mais là c'est vraiment le bordel sans nom. Donc Joker, un second projet de spin-off est en développement avec Jared Leto. Voilà, alors je vais vous résumer un peu tout ce qui se passe au niveau DC parce que c'est assez compliqué quand même. Et même Jared Leto, en septembre dernier, dans une interview, disait qu'il était perdu face aux nombreux projets développés en parallèle par DC. Donc voilà, on n'est pas tout seul. Même le principal intéressé du film, il y comprend que dalle. Donc voilà. Le DC Universe, du coup, a annoncé depuis quelques mois que le studio Warner développait une Origin Story indépendant de la chronologie officielle des films DC Universe. D'ailleurs, Joaquin Phoenix serait convoité pour le rôle, mais rien n'est officiel pour l'instant. Et Variety a annoncé la mise en chantier d'un second film dédié au personnage, quant à lui officiellement inscrit dans la franchise du DCU. Ce nouveau projet permettrait ainsi à Jared Leto de retrouver le Joker, qu'il avait interprété pour la première fois dans Suicide Squad en 2016, et qu'il devrait réincarner dans Birds of Prey, le spin-off consacré à Harley Quinn, donc interprété par Margot Robbie. Sa présence dans Gotham City Sirens, le Suicide Squad féminin des méchants de DC et Suicide Squad 2 n'est en revanche pas confirmée. Voilà, donc ce qu'on sait, c'est que en plus de faire un film Joker qui n'a rien à voir avec le DC Universe qu'on connaît depuis Man of Steel, ils vont y mettre un deuxième en chantier, mais qui a cette fois-ci à voir avec l'univers Man of Steel, Batman v Superman. Donc c'est le bordel sans nom. C'est très compliqué. Hein. Franchement, je comprends pas pourquoi ils se mettent encore plus des bâtons dans les roues, plus qu'ils en... C'est vrai que la production des DC Comics au cinéma, là, je comprends pas leur... Non mais plus qu'ils en ont déjà, quoi, parce qu'ils ils sont déjà très mal partis, on va dire, parce que ce soit succès public ou critique, c'est clairement pas ça. Ça dépend des films, mais voilà quoi. C'est difficile, sachant qu'en plus, personnellement, enfin, je sais qu'on est à peu près deux à être d'accord là-dessus, c'est que Jared Leto en Joker, c'est juste pas possible. Ah oui, non, c'est vraiment pas une. C'était pas concluant dans Suicide Squad. Ah non, ouais, c'est un des pires côtés de Suicide Squad, hein, franchement. Ouais, oui. Non, moi un film sur Jared Leto, non, je suis beaucoup plus hypé par le film produit par Scorsese avec... Ah oui, c'est vrai. Qui apparemment se confirmerait en plus. Ça m'intéresse bien plus que Jared Leto. De retour, pour faire le pimp. Ouais, non, franchement, ça a l'air vraiment pourrave. Donc voilà. Gangsta Joker, là. Ouais, non, vraiment nul à chier. Quoi. Ah oui, non, puis tout ce pataquès qu'ils nous ont fait, comme quoi qu'il envoyait des trucs bizarres à ses collègues sur le tournage. Ah ouais, tout ça pour ça, putain. Ça, on s'en souviendra. Parce que dans genre pétard mouillé. Ouais. Il a envoyé des pigeons morts ou des rats morts ou je sais pas quoi. Non, mais... Enfin bref. Non mais il a pété franchement il a pété un plomb sur son rôle, il a pris beaucoup, enfin bref. Bah moi, puis le souci c'est que Jared Leto il s'enferme dans beaucoup de trucs comme ça et au bout d'un moment il va devenir un peu l'ombre de lui-même quoi. Donc, alors qu'il a du talent, c'est ça qui est con. Oui, c'est con, c'est vraiment con parce qu'il a il a vraiment du talent et il s'enferme dans des personnages vraiment à première vue, ça a peut-être l'air fait pour lui, mais en tout cas, on voit ce que ça donne, c'est clairement pas ça. Donc voilà, On passe à la suite avec la bande-annonce de La Grande Aventure Lego 2. Cette fois-ci réalisé par Mike Mitchell, donc qui avait réalisé Les Trolls entre autres, au cinéma le oui, 20... ah oui, d'accord, oui, ça explique beaucoup de choses. Ok. Et attends, je crois qu'il avait fait d'autres merveilles chez DreamWorks. Oui, Shrek 4 entre guillemets, ouais, enfin entre. En plus, Shrek 4, donc c'est pas le pire, mais c'est clairement pas le meilleur. Voilà, le Alvin et Chipmunk 3 aussi, tant qu'à faire. Et voilà. Donc, non, oui. malheureusement, ça n'annonce pas... enfin, bon, on va pas cracher dessus tout de suite, on attendra de voir ce que ça va donner. Mais voilà, première bonne annonce de ce deuxième volet, où... cette fois-ci, c'est un peu plus. On débarque dans une ambiance un peu Mad Maxienne avec les Lego qui essayent de survivre suite au premier film. Emmett est toujours très joyeux. On le voit qu'il écoute de la musique. Il est toujours très content. Mmh. Voilà. Il n'a pas changé. Et du coup, Phil Lord et Chris Miller qui étaient au premier, enfin aux manettes du premier, ne sont plus là. Ils ont toutefois assuré l'écriture du scénario. Quand même. Donc, on peut être un petit peu rassuré, on va dire, là-dessus. C'est pas Mike Mitchell qui a écrit le scénario, Dieu merci. voilà, le film sort le 20 février 2019, sachant qu'il était sorti aussi en février 2015, ou 2000, ouais, c'est déjà 2015. Ou 2014, il me semble 2014 même. Donc voilà. Toi, tu as vu la bande-annonce. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bof. Bof. Bah, ça m'a pas emballé plus que ça, quoi. Ouais. Et ça, c'est un peu décevant parce que du coup, le premier était tellement cool que. Voilà. Ouais. Moi, j'ai. Même si visuellement, ça reste top, ouais. Hein, c'est pas le souci, mais. Visuellement. Mais après, c'est je suis pas convaincu par l'histoire, quoi. Alors on espère que ça nous fasse un effet du premier film, c'est-à-dire qu'on partait vraiment en allant voir le film. Moi, je n'attendais vraiment rien du tout, ouais. Et c'était la grande surprise. On espère que ça fasse le même effet, mais malgré tout, j'ai peur quand même en voyant la bande-annonce, même si on voit pas tout, que ça perde en profondeur et en subtilité par rapport au premier. Ça, là, de ce qu'on a vu, c'est clairement un enchaînement de blagues à la DreamWorks, hein, clairement. Ça fait vraiment bonne annonce DreamWorks, enchaînement de blagues. C'est un peu dommage, mais malgré tout, visuellement, ça a l'air cool. Au niveau cast vocal, c'est toujours Chris Pratt qui est Emmett et je sais plus maintenant. Après, ça, je pense que ce sera toujours très drôle. Hein. Niveau case vocale, c'est toujours bien. Il y a quand même 2-3 blagues qui m'ont fait rire dans la balance. Même si non, mais je pense que l'humour va fonctionner. C'est juste que, en même temps, c'est pas évident de passer derrière le premier. On retrouvera pas la surprise du premier où on passait dans le live, quoi, comme ça. Ouais, live action, ouais, c'est clair que. On peut s'attendre à des surprises, mais voilà, ce sera dur c'est dur de passer après un tel film que le premier épisode. Donc voilà, on verra bien ce que ça donnera. De toute façon, on en parlera quand ça sortira dans un peu plus de 6 mois. Voilà, passons à la suite avec Ralph 2.0. On parlait récemment, il me semble, dans les 2-3 derniers épisodes de Parlons Cinéma, de la première bande-annonce. Là, on a une deuxième bande-annonce. Cette fois-ci, on voit un peu plus ce qui se passe, puisque Ralph et sa complice Vanellope von Schwitz... Vanellope, c'est vrai. Partent dans Internet. Dans l'Internet, ouais. Voilà, c'est ça. C'est Ralph Break the Internet. Oui, voilà, c'est ça. En VO. Oui, c'est 2.0 en français. Ça me choque pas en français. Non, c'est cohérent avec l'univers. Au moins, ils n'ont pas fait casse l'internet. Ouais. parce que ça aurait été un peu compliqué. Voilà. Je vais aller regarder la traduction québécoise juste pour rigoler. Donc, dans ce film, le démolisseur Ralph et son ami Vanellope, vont prendre tous les risques en s'aventurant. Brise l'internet. Ralph brise l'internet. J'étais deux pas loin. Deux petits points, les mondes de Ralph 2. Ah, il faut toujours ça compliquer. Donne envie, hein. Il faut toujours compliquer. Donc voilà. Ça, c'est la séquence Xavier Dolan. C'est ça. Comme moi, dernièrement, j'ai été voir Monde Jurassique, Royaume Déchu. Ouais, exactement. Putain. Ouais. Non, mais c'est toujours très drôle. Et Solo, donc... une histoire de Star Wars aussi. Je sais pas s'ils le font. Une histoire de la guerre des étoiles. Ah ouais, oui, bien sûr. Et non, Solo, une histoire de Star Wars. Je te jure que c'est vrai. Putain. Ouais. Ils ont quand même pas traduit Star Wars comme sachant que. Alors chez nous c'est Solo Star Wars Story, mais comme dans tout le reste du monde. Ouais. Et chez eux c'est Solo, une histoire de Star Wars. Moi je les aime les Québécois. Ils sont tellement cool. Monde Jurassique, le Royaume Déchu, c'est ça. Voilà, s'il y a des Québécois qui nous écoutent, vous êtes vraiment cool. Êtes vraiment cool, mais je comprends pas cette loi qui veut que vous traduisiez tout. Voilà. Non, mais en même temps, ils vivent mais dans c'est un bien monde de protéger le français, etc. C'est bien aussi. Parfois, ça va un peu loin, quoi. Voilà. Ouais. Bref, repartons. Oui, non, mais c'est très bien cette petite aparté. repartons donc sur Ralph 2.0. Les deux amis vont prendre tous les risques en s'aventurant dans Internet à la recherche d'une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. Ils sont rapidement dépassés par le monde qui les entoure. Ils vont devoir demander de l'aide aux habitants d'Internet, les netizens, afin de trouver leur chemin, et notamment à Yes, avec 3 S, l'algorithme principal, le cœur et l'âme du site créateur de tendance BuzzTube, avec 3 Z. On a la bande-annonce, on voit toutes les princesses Disney, hein, c'est le gros reveal du truc. Bon, si Vanellope cherche un site internet qui déchire bien délirant en version française, et elle se retrouve alors sur Oh My Disney, un site rassemblant les franchises de la célèbre firme comme Marvel ou Star Wars. Et on voit réponse, La Belle au Bois Dormant, Blanche-Neige, Vaiana, Cendrillon, Jasmine, Rebelle, Pocahontas. Sauf Kida. Oui. On voit pas Kida. Et Pocahontas, je la trouve un peu bizarre en 3D. Hein. C'est pas la plus jolie. Ou La Reine des Neiges, bien sûr. Casting. La Reine des Neiges, Elsa et Vaiana. Et réponse, oui. C'est les mêmes. Hein. Oui, et sachant que le cast vocal original se retrouve aussi. Mais tu sais ce que j'ai lu comme commentaire. Pourquoi Blanche-Neige, elle a pas la même voix que dans le dessin animé? Il est sorti en 33. Bref, passons. Même avec les redoublages, elle aura jamais la même voix. Non. Donc voilà, réalisé par Rich Moore, déjà en metteur en scène. Il est sorti dans les années 30, quoi. Je sais plus. C'était pas. Non, pas 30, 36, il me semble pas. Je crois. Ouais, 37, ok. Donc Ralph 2.0, réalisé par Rich Moore, déjà metteur en scène du premier opus et du récent Zootopie. Il est épaulé de Phil Johnston, co-réalisateur des mondes de Ralph et de Zootopie aussi. Côté casting VF, François-Xavier de Maison et Dorothée Pousseo remplissent pour le casting principal. Ouais. Le film sort le 23 janvier 2019. Voilà. Toi, tu es toujours hypé par ce film? Tu as envie de le voir? Le premier était tellement cool en plus que du coup... J'ai toujours eu hâte de voir la suite. Ouais. Et plus hâte que pour La Reine des Neiges. même si j'aime bien La Reine des Neiges. Mais oui, clairement, la suite donne bien envie, quoi. Et c'est cool de voir qu'ils prennent une direction différente. Oui, donc, c'est clair. Ça va être sympa. Puis je pense que... Après, faut pas que ça tourne qu'au fan service Disney. Parce que là, c'est vrai que j'espère que voilà, le fait de voir toutes les princesses j'espère ensemble, que... ça, ouais. ça sera juste le truc. Voilà. J'espère que ce qu'on a vu, c'est tout ce qu'il y a. Après, il y a des petits trucs rigolos quand tu vois... Bah, tu vois Disney, tu vois... Marvel, tu vois Disney, Marvel, Star Wars. Bon, c'est marrant, quoi, mais... Ouais. Va pas falloir que ça tourne qu'autour de ça non plus, quoi. Ouais, enfin... Mais bon, moi, je pense qu'ils sont assez malins pour pas que ça tourne qu'autour de ça. C'est vraiment ce que j'espère. Clairement, on est avec des gens qui ont fait Zootopie, donc ils sont clairement pas cons. Mais... J'aimerais bien que le film nous pose des questions, justement, aussi par rapport à notre, rapport à Internet. Ouais. Non, mais oui, ce serait tellement bien. Mmh. Parce que là, personnellement... Ils en sont capables, en plus. Hein. Ouais. Moi, j'ai vraiment deux peurs par rapport à ce film, même si je l'attends quand même parce que j'aime beaucoup le premier. Mmh. Et la bande-annonce, ça a l'air... Enfin, déjà, visuellement, c'est super, bien sûr. Mais voilà, j'ai quand même deux peurs. La première que tu as dit, c'est... voilà, le fan service peut-être un peu trop présent. Si je le redoute, on sera content. Mais sera la facilité, quoi. Oui, voilà, c'est la facilité. Et aussi, il ne faut pas que ça tourne trop autour de ça. Il faut qu'on passe rapidement à autre chose, qu'on aille vraiment dans le film lui-même et pas qu'on se remémore « c'était bien La Belle au bois dormant, c'était bien Vaiana, etc. » On s'en fiche un peu. Ce qu'on veut voir, c'est Ralph 2. Voilà. C'est le côté fanservice peut faire un peu peur, sachant que surtout que c'est... Enfin, ça fait vraiment très forcé la façon dont ils arrivent sur Oh My Disney. Je veux un site qui déchire, bien délirant, et ils trouvent qu'un seul site, c'est Oh My Disney, sur tout l'internet. Voilà, bref, passons cette facilité de scénario, on va dire, on espère que c'est... Voilà, que c'est la première bande-annonce était plus drôle. Ouais, je trouve aussi. Avec les petits lapins à la fin. Ah putain, c'était trop drôle. Non, franchement, ça c'était vraiment excellent, quoi. Ouais. J'espère qu'on sera plus dans ce ton-là, quoi. Ouais. Même si évidemment, on sait bien que Disney, ça ira pas dans le trashouille, dans le. Non, c'est clairement pas que pour la. Ça sera pas un humour à la Blue Sky, par exemple, ou. Blue Sky ou à la DreamWorks, ou. Ouais. Où c'est un petit peu plus quand même. Même Illumination, malgré tout, où c'est quand même. On sent que c'est un peu plus libéré quand même sur l'humour, où on n'hésite pas à aller un petit peu dans le potage parfois. Ouais. Ouais, non, là justement, il nous montrait justement avec ses lapins. Là, c'était clairement un peu plus potage, tu vois. Donc c'était rigolo. C'était vraiment rigolo. Rien qu'en y repensant. Ouais, non, franchement. La fin de la bande-annonce, c'était trop marrant, ça. Ouais. La deuxième chose qui me fait un petit peu peur, c'est tout le côté sponsorisé, c'est-à-dire Amazon. On voit un gros building Amazon, Twitter, Snapchat, Google, Facebook. Ouais. Vraiment, ils ont tout. Après, c'est vrai que bon, bien sûr, on peut difficilement évoquer Internet sans parler de tout ça aussi. C'est clair. Et mais il ne faut pas que ça tourne qu'autour de ça non plus, quoi. Voilà. J'espère qu'on visite vite la ville, on voit le bâtiment Amazon rapidement, le bâtiment Facebook, etc. Mais bon, etc. Disney, c'est pas, en termes de promotion, ce n'est pas universel, quoi, non plus. Ah non, oui, c'est donc voilà, je pense qu'il faut parce que là clairement Jurassic World, si vous avez regardé tout ce qui est sorti avant d'aller voir le film, vous avez vu le film, hein. Donc ouais, les spots TV, il n'y a pas encore la pub pour la Jeep ou des choses comme ça sur celui-ci. C'était sur le premier Jurassic World, il me semble. Je sais plus. Ouais, bref, mais voilà. Mais là, Disney, bon, en général, on sait que voilà, et on le voit avec la promo de Star Wars, par exemple, où c'est toujours... voilà, il y a un ou deux trailers, pas plus. Et après, c'est pareil, ils n'en abusent pas. Même La Belle et la Bête, ils n'en abusent pas vraiment. Ils avaient diffusé quelques extraits, mais il n'y avait pas... C'était toujours très ciblé, quoi. Il y avait deux bandes-annonces ou trois bandes-annonces qui tournaient, avec souvent les mêmes images. Et après, il y avait quelques extraits par endroit. Mais au final, les films gardaient des surprises. Oui. Mais après, sachant que le film sort le 19 janvier... Ouais. Et qu'on est déjà à la deuxième bande-annonce. Ouais. J'espère qu'ils vont pas. Qu'ils vont pas trop. À moins qu'ils leur avancent, mais c'est rare quand même qu'ils le fassent. Ah non, mais ils leur avanceront pas parce qu'il y a Mary Poppins. Oui, et puis bon, il y a tellement d'autres films qui vont sortir que ça va être dur. Ah bah c'est ça, hein, Disney, à force de tout posséder, au bout d'un moment vous allez être emmerdé sur le planning. Voilà, c'est ça, c'est clair. Ah ça. On espère qu'ils se marveliseront pas trop. Ouais. C'est-à-dire en dévoilant. On espère surtout que Comcast va réussir à contrer l'offre. Exactement. Donc ouais, non, là on espère vraiment. Donc voilà, je suis quand même assez confiant, mais comme j'ai dit, j'ai ces deux petits doutes qui, je pense, ils sont pas assez cons, enfin, ils sont clairement pas aussi cons que les Emoji Movie ou des choses comme ça, pour partir clairement dans la pub de franchise ou des choses comme ça, enfin, comme Candy Crush ou des choses comme ça. J'espère qu'ils s'en tiendront. Moi, je trouve que ce qu'ils avaient fait avec le premier, justement, au niveau des jeux vidéo, c'était très bien fait. Et créer un vrai univers, quoi. Voilà. Il y avait des références, bien sûr, parce que Sugar Rush, j'avais pensé à pas mal de petits jeux de course comme ça. On dirait Mario Kart, hein, clairement. Voilà. Et oui, évidemment, on sentait les inspirations, même le. Alors, pas forcément Ralph Lacasse et celui qui répare tout, là, mais. Ouais. L'héroïne, là, dans le jeu d'action, c'est pareil, ça faisait beaucoup penser à des trucs un peu plus adultes. Oui, ouais. Donc, bien sûr qu'il y aura des références en même temps. Puis il faut aussi, je pense, c'est pas un problème de s'inspirer. Non. Ce qui est bien, c'est de justement, avec les inspirations, de faire autre chose, quoi. Non, je trouve que c'était très bien fait. Il gérait plutôt bien ça, ouais. Ouais. D'ailleurs, le vrai Ready Player One, hein, c'est Ralph. C'est clair. Bref. Voilà, passons à la suite. Du coup, encore un film d'animation. Ouais, celui-là. Il y a longtemps qu'on l'attendait, ça. Ouais, et s'il n'est pas prêt de sortir pourtant. Hein, enfin, bon, si, quand même. Le 6 février 2019, donc on approche, hein, on va dire. Punaise, mais en 2019, là, début 2019, ça va aller. Hein. Niveau film d'animation, ça va vraiment donner. C'est toujours d'une année à l'autre où il y a des années plus calmes et puis d'autres. Ouais. Où, là, cette année, film d'animation, ouais, pas de truc vraiment ouf, hein. Pour le moment, non. Et a priori, même du côté de Disney, on n'en aura pas forcément en fin d'année. Non, je crois pas. Hein. Ouais. Donc oui, non, c'est un peu l'année creuse, surtout après une année où on avait tellement de films d'animation différents. Bon, bref. Donc voilà, on espère que 2019, il y aura pas mal de choses. Là, ça s'annonce plutôt bien. Donc Dragon 3, Le Monde Caché. Parce que cette année, il y avait Croman, mais ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Et a priori, c'est sympa, mais sans plus, quoi. Ouais. Pour un film des studios Hardman. Ouais. Voilà. Dragon 3 Dreamworks, hein, sorti en février 2019, comme je l'ai dit. Cette fois-ci, d'ailleurs, j'ai toujours pas vu Dragon 2, je sais, il faut que je le voie absolument parce que j'adore le premier, c'est un de mes films d'animation préférés. J'ai aimé le deuxième. Hein. Oui, il faut que je reprenne ma rétrospective DreamWorks. Mais comme j'ai un nouveau PC, je suis un peu occupé en ce moment. Je game un peu. Voilà, c'est ça. Je connais pas ça, moi. Oh non. C'est clairement pas des problèmes que tu connais. Pas du tout. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas vu Dragon 2 et je me suis fait spoiler une partie dans l'article Allociné. Ah merde! Si vous n'avez pas vu Dragon 2, ne lisez pas l'article qu'on met en lien du coup. Regardez juste la bande-annonce, il n'y a pas de spoil en fait en bande-annonce. Donc voilà, ça se passe un peu plus tard, sachant que Dragon 3 est censé être le dernier film de la saga. À la base, ils voulaient même pas faire de trilogie, hein. Oui, mais bon, là, ils l'ont fait, sachant que la série animée Par-delà les rives, disponible sur Netflix, risque quand même de continuer. Ouais, bah c'est un peu nul, hein, par contre. Je l'ai pas vu, donc. Moi, j'avais fait le curieux et puis. C'est clairement pas au niveau visuel. J'ai même pas été jusqu'au bout, donc j'en ai jamais fait de critique, mais non, c'est pas top. Bah oui, et puis visuellement, forcément, c'est plus moche. Limite, il aurait mieux valu le faire un peu comme ils ont fait avec les. Madagascar, les trolls. Les trolls ou les... En route. Mm-hmm. Où du coup, ils le faisaient, mais en 2D. Ah oui. Comme Disney fait avec Réponse, par exemple. Ouais, non, ça c'est bien quand ils se mettent à la limite, des... voilà. Tu sais, si tu sais que t'as pas le même budget pour avoir une 3D aussi jolie que pour ton film, tu fais ta série en 2D et puis c'est sympa aussi. Ça donne une autre vision. Non, c'est clair. Donc voilà. Dernier opus. Cette fois-ci, ils découvrent. Font la connaissance d'une femme furie. Une furie nocturne, ouais. Une furie nocturne femelle. Nocturne femelle, voilà. Croque-Mou va essayer de va essayer ses techniques de drague. On voit dans le moment, c'est assez drôle. Voilà, visuellement ça a l'air encore dingue. On voit aussi un Harold un peu plus âgé quand même, avec une barbe, etc. Donc ça promet d'être un peu plus, même si le premier, peut-être sûrement le deuxième, était, enfin partait, n'hésitez pas à aller dans le sombre en fait. C'est ce qui faisait la beauté de Dragon, même le deuxième. Ouais. Bien géré à ce niveau-là aussi. Oui, c'est super. Enfin moi je trouve que c'est un des films DreamWorks déjà, c'est le meilleur, clairement. Même si j'aime beaucoup Shrek et tout, mais je pense qu'en termes de thématique et en termes de mise en scène et de créativité visuelle, Dragon c'est vraiment et surtout la balance émotion comédie qui est parfaitement gérée. C'est clair, contrairement à d'autres films DreamWorks, on va pas les citer ici. Mais voilà, donc moi la bande annonce que j'ai vue, c'est magnifique, ça me donne vraiment envie. Il y a l'air d'avoir un grand ennemi qui veut chasser les derniers dragons, enfin les derniers dragons de furie nocturne, voilà, les derniers furies nocturnes, pardon, de donc l'espèce de croque-mou. Ça a l'air vraiment intéressant au niveau scénario. Casting vocal, c'est toujours les mêmes personnes qui sont soit en VO soit en VF, donc ça c'est bien. Et toi, comme tu as vu le 1 et le 2, je sais que tu es très grand fan de la saga. Puis moi j'ai un grand fan à la maison surtout. Je sais que vous avez quelques peluches, enfin au moins une peluche croque-mou. Moi j'ai ma peluche croque-mou qui grogne, donc c'est génial. C'est vraiment Dragon, ça a été un coup de cœur instantané quoi. T'es conquis par ce que tu vois ? Alors, autant le deuxième, je l'attendais beaucoup. Celui-ci, je l'attendais, mais c'est vrai que la bande-annonce, j'ai peur que ça aille un petit peu dans la facilité. Ouais. Après, ça reste dans la logique des deux autres, donc je pense que ça le fera. Et le deuxième était finalement se révéler assez surprenant, donc j'espère que ça sera la même chose ici. Mais du coup, vu que c'est le même réalisateur, je pense que... Oui, faire confiance aussi. Ouais, c'est le même réalisateur Pour les trois, donc ça c'est vraiment bien parce que c'est assez rare dans le monde de l'animation d'avoir. Il a sa vision jusqu'au bout, quoi. Ouais, ça c'est vraiment cool. Donc c'est vrai que la bande annonce fait un peu facile, mais en même temps, les bandes annonces DreamWorks c'est souvent le cas. C'est très souvent le cas. On met les blagues en premier, etc. Pour faire rire les petits au cinéma. Et puis voilà. C'est vrai que Croque-Mou c'est facile, mais ça fonctionne toujours. Ouais, ça fonctionne toujours. A l'impression de voir son chat ou c'est clair. Et surtout visuellement, il est toujours aussi aussi impressionnant, donc c'est vraiment cool. Donc impatient de voir ça. La suite des événements, du coup, on passe à une première bande-annonce de Spider-Man New Generation. Cette fois-ci, film d'animation qui sort en 2018 du coup, mais le 12 décembre 2018, donc fin d'année. Produit par Phil Lord et Chris Miller, donc on en a parlé juste avant pour la grande aventure Lego, qui n'est pas réalisé par Phil Lord et Chris Miller. Je vais exactement chercher qui s'occupe de ça. Bob Persiecki et Peter Ramsey. Qui s'occupe de la réalisation. Donc Peter Ramsey qui avait fait entre autres les 5 légendes et Bob Persichetti plutôt, c'est celui qui s'est occupé du Petit Prince, le dernier, et le Chapeauté qui est pas ouf. Mais après c'est vrai que c'est pas des branques non plus quoi. Non, clairement. Les 5 légendes c'était vachement bien. Les 5 légendes c'était très. Moi j'avais beaucoup aimé. Ouais. Alors il y en a qui trouvaient que c'était peut-être trop sombre pour le sujet, mais au contraire, je trouve que c'était assez. C'était produit par Guillermo del Toro, il me semble. Peut-être bien, oui. Ouais, il me semble. C'était vraiment vraiment chouette. L'autre que t'as dit, pas le Chapeauté, Peter Ramsey. Non, Peter Ramsey, c'est celui qui a fait les 5 légendes, et du coup, Bob Persichetti. C'est celui qui s'est occupé du Petit Prince et du Chapeauté. Voilà, donc le Petit Prince qui était très bon aussi. et qui s'occupera apparemment d'un film Playmobil, si on en croit la fiche Allociné. Ah, après, on a tous... voilà, il y a des carrières qui... des carrières qui... Pourtant, là, on va parler de l'abondance du coup de Spider-Man New Generation. Et ça en envoie plein la tronche. Hein. Moi, personnellement, visuellement, j'ai rarement vu ça au cinéma. C'est magnifique, ça m'a redonné envie de voir des films de super-héros. Parce que, clairement, là, on voit quelque chose de différent et d'unique. C'est ouais, un film d'animation de super-héros sur grand écran. Ça, c'est jamais arrivé, il me semble. Enfin, d'une franchise connue, enfin, à part les Indestructibles. Mais bon, voilà, d'une franchise connue, en tout cas. Donc là, aussi, petit avertissement, si vous comptez lire la fiche Allociné qu'on vous met en lien, il y a un spoiler, ils n'arrêtent pas, hein, sur l'univers de Spider-Man et qu'est-ce qui se passe avec Miles Morales et Peter Parker, etc. Donc si vous ne voulez pas savoir ce qui va se passer, je vous conseille de ne pas lire l'article, voilà. Mais en tout cas, on a donc Miles Morales qui est un nouveau Spider-Man et qui va être entraîné par, Peter Parker, du coup. Et voilà, donc on voit aussi à la fin Spider-Gwen. Ça, c'est vraiment pour les pour ceux qui s'y connaissent en Spider-Man. Voilà, donc franchement, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est plus que l'histoire, c'est clairement le visuel, même si j'aime beaucoup. Est-ce que là, finalement, on est dans le multiverse, en fait, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, en fait, on est dans un univers complètement différent. Tout ce qu'on connaît de Spider-Man, enfin, c'est-à-dire tout ce qu'il y a niveau Marvel, univers et tout ça, ça n'a pas d'impact sur ce film. Et donc on est clairement, on repart à zéro. Voilà, donc moi je même si l'histoire a l'air sympa, mais ça n'a pas l'air d'être révolutionnaire non plus, l'aspect visuel m'a bluffé, clairement. Juste la partie où il tombe et on voit New York à l'envers comme ça, ça m'a donné des frissons vraiment, et le voir se balader de building en building en passant à travers les voitures, c'est clairement, j'avais pas ressenti ça depuis les Spider-Man de Raimi, clairement. Moi je suis très enthousiaste à l'idée de voir ce film, même si peut-être que au niveau de l'histoire, ça risque d'être très cliché et très... voilà, c'est un film Spider-Man, on va pas réinventer le monde. Mais pourquoi pas? En tout cas, sachant que le cast vocal aussi est assez alléchant au niveau VO. J'ai pas la VF pour l'instant, mais on a Shamek Moore qu'on avait vu dans The Get Down, Liv Schreiber qu'on avait vu dans Ray Donovan, Mahershala Ali qui a été oscarisé pour Moonlight, et Brian Tyree Henry qui est dans la série Atlanta. Voilà. 12 décembre 2018 au cinéma. Moi, je suis très, très, je suis très confiant à la vue de cette bande-annonce. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah ben, pareil, ça me botte bien parce que ça sort enfin de tout ce qu'on connaît et même en termes de ton, je pense que on va partir sur vraiment autre chose que par exemple ce que Disney nous a proposé dernièrement. Ouais. Et moi, j'adore cette animation là. Entre la 2D et la 3D. La 3D, c'est la 3D qui donne cet aspect 2D. Et puis, il y a des moments dans la bande-annonce où ça fait vraiment très comics. Comme si on regardait une BD prendre vie, quoi. Et ça, c'est génial. Je suis assez hypé aussi par le truc. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que le style d'animation est très, très spécifique. Enfin, ouais. Clairement, Disney avait fait ça avec Paperman. Oui, effectivement. Et qui était vachement bien. Je cherchais le film français, là, je suis en train de le chercher, je le trouve pas. Il y avait un film français d'animation qui ressemblait un petit peu à ça. Mais maintenant, j'oublie, mais voilà. Ah, ben, Prodigies. Voilà, Prodigies. Voilà. Qui était pas terrible, hein, par contre. Non, niveau histoire, c'était pas ouf, mais visuellement, c'était. Visuellement, cool. Ça allait, mais. Non, histoire, c'était pas ça, clairement. Mais voilà, surtout en sachant qu'on a aussi derrière les producteurs Phil Lord, Chris Miller, donc on a vraiment une équipe. Composé de gens qui savent faire des films d'animation drôles. Mais on sent que ce qu'ils n'ont pas pu faire sur Solo. Ouais. Voilà. ils sont allés le faire ici. Ils se sont concentrés sur un autre projet. Exactement. Voilà. Très impatient de voir ça. S'il n'y a pas d'autres films d'animation qui sortent en 2018, ben peut-être que ce sera le film d'animation de 2018. Hein, pourquoi pas. Voilà. Ce serait cool. Ce serait bien pour Sony parce que bon, pour. Ouais, pour au moins, voilà, la pente, c'est. Hein. C'est un. Oui, ne serait-ce que pour qu'il remonte la pente, parce que bon, c'est quand même pas un mauvais studio. Mm-hmm. Et puis, bah, au moins, ça change, quoi. C'est vrai que moi, ça me gênerait pas de voir plus de films de super-héros. Un héros univers en animation au cinéma, ça me dérangerait Ouais. pas. Hein. Ouais, ce serait même plutôt cool hein, parce qu'on pourrait voir des choses. Enfin, personnellement, moi, ce que je disais pour Avengers, ce qui me dérange le plus, c'est la CGI avec le live. Et là, le fait qu'on se mette à l'animation, du coup, ça enlève ce gros problème. Et enfin, surtout, ça permet de faire des directions artistiques vraiment intéressantes comme celle-ci. Donc voilà, pourquoi pas. Si le film fonctionne, je pense qu'ils se mettront à. Mais sachant que c'est Sony, hein, donc ils ont que Spider-Man de leur côté. Oui, bah après. Donc voilà, on verra bien ce que ça donnera. Passons à la suite avec un premier trailer, cette fois-ci, de First Man, donc le nouveau film de Damien Chazelle, l'homme qui fait des films qui se ressemblent pas du tout. Ça, c'est clair. Alors, si quelqu'un voit... Les deux premiers avaient quand même en lien la musique. Ouais, la musique, mais là... visuellement c'est complètement différent mais c'est très bien, il se renouvelle justement. Moi en voyant la bande-annonce de First Man, ça aurait pu être n'importe qui, mais j'aurais jamais pensé à Damien Chazelle par exemple. Ouais. Donc non mais c'est super cool. Donc 17 octobre 2018, encore en octobre. Faut pas arrêter, on est en pas octobre. Dans la merde en octobre. Ah putain, mais le programme va être chargé. Le podcast Movies Nerd va durer 4 heures. Hein. Ouais. Clairement. Donc First Man, c'est le biopic un peu romanesque. Romancé. Ouais, romancé, voilà. De Neil Armstrong, qui est le premier homme à avoir marché sur la Lune. Donc c'est Ryan Gosling qui interprète. Pas le jazz, hein. Ça n'a rien à voir. Ni le cycliste. C'est pas le. Oui, voilà, c'est pas les mêmes Armstrong. Voilà, c'est ça. Donc, c'est l'homme qui a marché sur la Lune, voilà. Le 21 juillet 69, cette fois-ci, j'ai la date, j'ai la vraie date. Je savais que c'était en 69, mais j'avais oublié la date. Donc, Ryan Gosling retourne devant la caméra pour Damien Chazelle après le triomphal La La Land. C'est le film dévoile les difficultés et l'angoisse qui tenaillait les membres de la mission Apollo 11, mais aussi les familles de ces pionniers de la conquête de l'espace. Donc voilà, on voit vraiment la dimension psychologique plus que spectaculaire en fait, parce que ça, faut pas s'attendre à un Gravity ou un Interstellar. Hein, c'est clairement pas, on n'est pas au même niveau technologique. On parle de 1969, donc voilà, ça va être des machines qui volent, mais pas avec des technologies super avancées. Voilà, moi j'adore Damien Chazelle, surtout le fait qu'il se renouvelle constamment. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et il nous fait encore quelque chose enfin, c'est une histoire qui m'intéresse beaucoup déjà, mais j'ai quand même un mais sur ce film. C'est, j'ai l'impression que c'est qu'ils prennent peut-être un peu trop de liberté sur ce qui s'est réellement passé, parce qu'on a vu que la bande-annonce, hein, bien sûr, mais on sent dans la bande-annonce qu'il y a genre un effet, un build-up dramatique, alors qu'on sait très bien qu'ils sont arrivés sur la Lune et que qu'ils sont revenus. Donc on a l'impression qu'il y a peut-être un petit peu de dramatisation faite après à voir comment ça va être mis, hein, voilà, en c'est scène. c'est ça pour l'instant, ce que s'il que arrive à vraiment jouer sur l'émotion tout en tenant en compte le fait que finalement tout le monde connaît la fin de l'histoire, ouais ça sera fort. C'est ce qui sera plus intéressant en fait, c'est l'émotion avec les familles et avec les hommes qui sont partis sur la Lune, qui est plus intéressante que le fait que, enfin, voilà, c'est... Alors moi, je parle que de la bande-annonce, hein. c'est juste l'effet que m'a fait la bande-annonce sur la fin. On a l'impression qu'ils vont tous mourir, et que, enfin, on a l'impression d'être devant un film de Michael Bay, quoi. Enfin, j'exagère un petit peu quand même, mais voilà. Tu en as pensé quoi de la bande-annonce ? Est-ce que tu es impatient de voir le film ? Ouais, du coup, moi, parce que c'est vrai qu'au départ, First Man, pourquoi pas, mais j'étais pas plus emballé que ça, et finalement, la bande-annonce m'a bien... M'a bien botté, donc j'espère que ce sera cool maintenant. Et bah, le casting est intéressant en plus. Oui, oui. Gosling, bah, on sait que Chazelle sait le diriger. Voilà, donc, c'est ça. Enfin des émotions. Voilà. Et puis bah, John Bertnall, pas de soucis non plus. Il était très bien. Dans le peu de trucs que je l'ai vu, j'ai toujours trouvé bien. Mm-hmm. Et puis il y a Claire Foy. Oui, oui. La aussi. Queen. Donc, c'est... Oui, oui, je suis assez impatient. Puis le tout dirigé par Damien Chazelle. Je suis assez curieux de voir ce qu'il peut faire en termes de mise en scène. Ouais. Non, franchement, ça risque d'être plutôt pas mal. Donc voilà, 17 octobre 2018, réservez vos places. Passons à la suite. Ah, encore un film qui sort en octobre 2018. Mm-hmm. Ah bah celui-là, oui, heureusement celui-là, d'ailleurs. Heureusement qu'il sort en octobre. C'est Halloween, du coup, le remake, on sait pas trop quoi. Dédicace à Adrien et... Et Morgane. Voilà. Qui en savent beaucoup plus que moi sur la saga, moi qui ai vu que les deux premiers. Mais en tout cas, je sais que j'ai pas besoin d'avoir vu la suite, puisque tout ça ne compte plus, et que ce Halloween est la suite directe du premier. Donc voilà, du premier de John Carpenter, qui produit d'ailleurs le film. Et on entend d'ailleurs sa musique un peu remixée 2018 dans ce trailer, qui est pas trop mal, mais personnellement je préférais la version originale. Donc voilà, cette fois-ci c'est un nouveau Halloween avec Jamie Lee Curtis qui retrouve son rôle de Laurie Strode, qui apparemment avait été tuée dans Halloween Résurrection, voilà. Mais ça, on s'en fout, ça compte plus. Cette fois-ci, on découvre aussi dans la première bande-annonce la petite fille et la fille de Laurie Strode, donc Jamie Lee Curtis, respectivement interprétées par Andy Matichak et Jodie Greer. Notons que d'ailleurs les personnages étaient différents apparemment de la fille et la petite fille du 4-5-6. Voilà. C'est David Gordon Green qui s'occupe de la réalisation après un remake de Rob Zombie et sa suite réalisée il y a presque 10 ans. Il s'agit de la première incursion dans le genre horrifique de ce réalisateur. Apparemment, c'était un petit protégé de Terrence Malick à ses débuts. J'en sais pas plus. Qui s'est d'abord de, pardon essayé... De Terrence Malick. Le réalisateur Oui. Oui, parce que Terrence Malick a produit... Si je ne me trompe pas, il a produit Entre deux rives ou un truc comme ça. Ah, d'accord. Attends, je regarde. Ouais, on regarde sa filmographie en ce moment. C'est ça, L'autre rive. Voilà. Avec Jamie Bell et en fait, Terrence Malick avait produit ce film. Ok, d'accord. Et donc, je voilà. crois que c'est le seul film que Terrence Malick a produit. Ah ouais, donc c'est quand même spécial. Ouais, il y a un voilà, truc là. sachant qu'il a quand même fait aussi Délire Express et Votre Majesté, qui sont des comédies assez potaches, ouais. Et un biopic Stronger, voilà. Ouais. Donc c'est assez surprenant. Non, il est assez éclectique, on va dire, ouais. David Gordon Green. Ouais, complètement. Donc, ouais. On verra. Ouais, oui, il a fait pas mal de choses. Ouais, c'est ce qui est intéressant. Après, moi, je connais pas forcément la. Enfin, j'ai vu que le premier, La Nuit des Masques, qui m'avait pas. Enfin, le problème, c'est que bah, c'est ce genre de film qui fonctionne surtout si tu l'as vu à l'époque aussi, ou si ça fait partie des premiers films d'horreur que tu as vu. Ouais. Et bah, du coup, c'est vrai que ça m'avait pas laissé un souvenir. Parce que bah, bien sûr que c'était cool, mais le problème, c'est que moi, j'en avais vu plein comme ça, donc il y avait pas forcément de surprise, quoi. Ouais. Et donc, bon. Je suis pas hyper hypé par ça, mais c'est vrai que étant donné la filmographie de David Gordon Green, c'est assez surprenant. Ça pourrait être franchement, enfin moi je l'attends quand même un petit peu clairement, même plutôt pas mal en fait, parce que ce qui est bien, c'est qu'on n'a plus besoin de se taper toute la. Puisqu'en fait, là, c'est quasiment une suite du premier, en fait. C'est ça, en fait, c'est une suite du premier. Plus rien, enfin tout ce qui s'est passé après le premier, ça n'existe plus, donc. On repart à zéro. Après, il a Terrence Malick a produit d'autres films quand même. Mais... Ah, ok. Mais Terrence Malick a produit 4 films dans sa vie. Donc... Ouais, voilà. Donc, c'est quand même assez spécial. Donc, sous le masque de Michael Myers se retrouvent James Judd Courtney et Nick Castle, Je sais pas comment ils sont partagés la tâche, clairement. Mais donc Nick Castle, qui était l'interprète original de Michael Myers, qui n'était jamais réapparu depuis 1968, pardon, dans son rôle. Mm. Donc oui, John Carpenter, c'est producteur exécutif, pas producteur tout court. Mm. Voilà. Alors, moi, personnellement, la bande-annonce m'a intrigué, m'a beaucoup plu. J'ai un peu peur qu'on aille plus dans l'action que dans parce que le premier Halloween, c'est vraiment plus un thriller psychologique qu'autre chose. Oui. C'est beaucoup d'attentes, beaucoup de moments de tension, pas beaucoup d'action. Alors que là, on voit Jamie Lee Curtis tirer un coup de fusil, machin, s'entraîner au tir, voilà. Mm. Pourquoi pas, mais en tout cas, on ressent quand même, déjà visuellement c'est super beau, je trouve, de ce que j'ai vu de la bande-annonce, la réalisation est très propre, ça fait penser clairement à du John Carpenter, avec ses longs plans, etc., sur des rues, vraiment on a vraiment l'impression de voir une suite logique au premier Halloween, donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Aussi avec ces plans, on voit Michael Myers au loin qui passe par une fenêtre et on le voit à peine et sur un plan très large. Et non, franchement, ça a l'air d'être cool visuellement. J'ai un petit peu peur que ça aille trop dans l'action, que ça se modernise un peu trop, même parce que moi je suis un vieux con qui aime beaucoup le premier Halloween et j'aime pas trop quand on se met à faire trop d'action dans les films qui à la base n'étaient pas prévus pour ça. Clairement, Halloween c'est un film d'attente et c'est ça c'est dans ça qu'il est le meilleur parce que Michael Myers c'est quand même un personnage assez terrifiant. Voilà, moi c'est en tout cas moi je suis assez confiant je sais aussi que Morgan qui en a parlé un petit peu sur ses réseaux sociaux et qu'il était très confiant aussi, donc voilà. Même si ça le fait chier qu'on enlève toute la saga parce que lui il s'est tapé tous les films, mais en tout cas moi je suis plutôt content qu'on fasse ça, donc voilà. Toi du coup Eddie, tu t'es pas plus hypé que ça, donc après je le verrai sans doute s'il y a pas forcément besoin du coup de se taper toute la saga. Ah oui, bah ouais, mais ouais, je suis pas plus que ça. Ouais. Ce sera un bon film d'Halloween quand même. C'est ça. On espère. Et moi, je suis plus la génération de Scream, hein, donc. Ouais. Ouais. Bah oui, je sais. Il me ferait un Scream 5, je pense que je serais plus emballé que ça, mais. Même sans Wes Craven. Ah, je sais pas, ouais. Ça serait un peu compliqué. Bon, sachant que Wes Craven n'a pas fait que des bons films. Non, mais tous les Scream ne sont pas bons, hein. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime surtout le premier et le quatrième. Ouais, ouais. J'ai un petit coup de cœur pour le 3. Ouais, mais, qui est marrant, qui est fun. Ouais. Ouais, qui est fun, mais sinon. Ouais, c'est très mal écrit, hein, le 3. Ouais, hein, voilà. C'est très mal écrit, le deuxième aussi, mais ils sont fun, quoi. Mais surtout, enfin, les reveals à la fin me font toujours autant rire. À chaque fois. Ah oui, c'est toi. Ouais. Non, bon, moi, apparemment, je suis mal placé pour juger l'écriture d'un film vu que j'ai aimé Fallen Kingdom. Donc bon. Oh. Voilà. D'accord. On en parlera. On me l'a gentiment fait comprendre, donc je ferme ma gueule. Ah, d'accord. Non, mais non, attends. j'ai pas encore vu Fallen Kingdom d'ailleurs. Hein. J'irai le voir prochainement. Il y aura du débat, je pense. Pas forcément toi, mais avec Adrien, je pense que... Oui, Adrien apparemment n'a pas du tout aimé. Voilà, on en parlera, pas dans le prochain, mais dans celui d'après. Je sais que c'est un peu compliqué au niveau des dates, on est un peu en retard, mais c'est... Voilà, ouais. c'est comme ça. Donc moi je suis plutôt hypé, et avant qu'on voit cette bonne annonce, j'étais plutôt sceptique de revoir... du Halloween, et là je suis plutôt content de le revoir, donc voilà, c'est une très bonne nouvelle. Passons au Micmac qu'est DC Universe. C'est un euphémisme. Franchement là on en parlerait juste avant avec le Joker, et du coup le site Hollywood Reporter a levé le voile sur quelques informations sur les prochaines aventures de Batman, mais aussi celles de Flash. Concernant le projet The Batman, Hollywood Reporter indique que le long métrage réalisé par Matt Reeves devrait être centré sur un jeune chevalier noir. Si les studios Warner n'ont fait aucun commentaire sur ce sujet, ce parti pris mettrait forcément hors jeu Ben Affleck, incarnation actuelle de l'homme chauve-souris. Ben Affleck, quand on voit Justice League, peu importe la qualité du film, ouais, ça donne vraiment l'impression que il est, c'est son, il en a plus rien à foutre. C'est son deuxième film et on sent déjà que bah, enfin, il dit que ça va s'arrêter pour lui, quoi. Ouais, ouais. Donc, non, ouais, on le sentait plus trop investi dans la saga de toute façon. Ouais. On avait des rumeurs d'ailleurs que le film allait complètement être arrêté. D'ailleurs, sachant que The Batman était censé à la base être réalisé par lui-même. Voilà, donc ça s'annonce pas très. Pas après, très le public n'a pas été très tendre avec Ben Affleck aussi. Hein. C'est clair, alors que pourtant. Moi, je trouve pas que ça soit un mauvais Batman. Non, non, non, clairement. Il y a eu pire. Hein. C'est clair. Il y a eu George Clooney, hein, je vous rappelle. Voilà. Et Val Kilmer. Passons du coup à Flash, qui cette fois-ci, jusque-là, était intitulé Flashpoint, mais change de titre. Voilà, de toute façon, ils ont changé trois fois de réalisateur, ils peuvent se permettre. Ouais. Il devient plus sobrement The Flash, toujours emmené par. Il y a The Batman et The Flash, voilà, comme ça, ce sera plus simple. Toujours emmené par Ezra Miller, du coup, qu'on avait vu dans Justice League, et devrait se tourner au premier trimestre 2019. Donc, ça, il y a encore le temps de changer de réalisateur quatre fois. Les aventures solo, du coup, du personnage ne devraient pas être aussi sombre que Justice League et comme ça a été initialement prévu. C'est vrai que Justice League était tellement sombre. Ouais, bah, ouais. Comme c'était initialement prévu, hein, c'était la suite de la phrase. Comme c'était initialement prévu pour Flashpoint et pour Justice League, mais adopterait un ton plus dans la veine de la saga Retour vers le futur. Voilà. Ah ouais. Donc des blagues, des blagues tellement marrantes qui étaient dans Justice League de The Flash. Et sinon, ah oui, il confirme aussi d'ailleurs le développement du long métrage Birds of Prey où on verra Margot Robbie reprendre son personnage d'Harley Quinn dans le spin-off. Batgirl, un temps porté par Joss Whedon, est toujours vivant avec Christina Hodson, donc qui s'est occupée du scénario de Bumblebee, le spin-off de Transformers. Qui est attaché... Non, mais tout va très bien chez Warner. Hein, y a qui pas est de... attaché à l'écriture du scénario, voilà. Donc, oui, non, c'est... c'est clair que... Bon, il y a Aquaman qui sort le 19 décembre prochain, qui a... Ouais. Enfin, voilà, qu'on n'a pas l'air trop d'avoir touché James Wan, au projet. James Wan annonce d'autres projets, alors qu'on n'a toujours aucune bande-annonce pour Aquaman, et voilà, enfin bon. Exactement. C'est assez étrange. Il y a Shazam avec Zachary Levy qui sortira... Ah, en 2019 et Wonder Woman 2 qui sortira le 30 octobre 2019. Ouais. Donc voilà, des nouvelles pas très, enfin ça sent pas très bon hein, chez DC. Pas j'ai trop. J'ai l'impression qu'on dit ça tout le temps, mais en même temps, à chaque fois j'ai l'impression qu'on s'enfonce de plus en plus dans la dépression. Quoi, Adrien, vraiment... qui suit pas mal l'actu DC, ouais, de Warner et de DC Universe au cinéma. Disait quand même qu'a priori il allait avoir des changements d'organisation et que DC allait revoir son truc et peut-être que ça pourra en sortir du bon. Il faudrait, parce que ça reste quand même dommage que cet univers prenne pas Oui, sachant qu'il y a eu nouveau président de DC Entertainment qui a été nommé au mois de janvier dernier, donc Walter Hamada. Donc voilà, reste à voir ce qu'ils vont faire, mais c'est vrai que c'est con que leur univers canon ne prenne pas, quoi. Ouais, non. Et en plus, ils s'enfoncent de plus en plus, hein, on a l'impression. Ça sent pas bon, voilà. Donc, on verra bien ce que ça donne. Il y a toujours Wonder Woman qui tient le, c'est ça, qui tient le coup, crois... mais bon, la pauvre... Ça va devenir Wonder Woman Universe, et puis... Ouais. Et puis bon, même si j'ai beaucoup d'affection pour le personnage, et puis pour la réalisatrice qui a fait du bon boulot sur le premier... malheureusement, elle fera pas de miracle non plus, quoi. C'est si clair. Si tout ce qui gravite autour de Wonder Woman n'a pas de substance, elle aura beau faire ce qu'elle peut. C'est clair que ça ouais. Elle pourra pas sauver tout l'univers à elle-même, quoi. Ok, passons à la dernière news de ce podcast. Et c'est quelque chose que J'ai pas eu de tes retours et ça, je suis très impatient de découvrir ce que tu en penses. Première bande-annonce de Dumbo de Tim Burton, on en parle depuis des années. Cette fois-ci, on a enfin une bande-annonce, ça sortira le 27 mars 2019 au cinéma. Bande-annonce de Tim Burton, enfin de Dumbo par Tim Burton, donc l'adaptation du film de Disney. J'ai plus la date, hein. J'ai plus la date en tête. Donc, Ouais, mais dans les années 40 en tout cas. Ouais. C'est leur quatrième, je crois, Dumbo. Ouais, il me semble aussi. Le roman est sorti en 39, mais ils disent pas la date de, du film. De toute façon, c'était Blanche-Neige, Pinocchio, Bambi et Dumbo. C'est ça. Ouais. Et sachant que Bambi et Dumbo étaient produits parallèlement, il me semble. Peut-être bien, ouais. Ouais. Donc, niveau casting, on a du Danny DeVito. On a les stars de Tim Burton. Colin Farrell. Alors, Colin Farrell, qu'on n'avait pas vu chez Burton. Eva Green. Je crois pas. Non, il me... Attends. Il était pas dans Big Fish, non? Non. Ouais. Okay. Bah non, il me semble pas que Colin Farrell, on l'ait déjà vu chez Burton. Ouais. Eva Green. On l'a vu chez Yorgos Lanthimos, mais pas chez Burton. Eva Green, Michael Keaton, et donc Colin Farrell, Danny DeVito, voilà. C'est une nouvelle adaptation du coup de Tim Burton chez Disney après Alice au Pays des Merveilles. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. Toi, tu as vu la bande-annonce, qu'est-ce que tu en as pensé? Déjà, est-ce que tu attendais ce film ou pas? Est-ce que tu aimes le film original? Et est-ce que tu en as vu? Est-ce que ça te donne confiance ou pas du tout? Bah, il est mignon, le film original, mais il est trop triste, quoi. Moi, c'est un de mes préférés, franchement. Oui, ouais, mais oui. Il est très triste, mais... mais bon, mais oui, après... moi, j'aime bien aussi, mais c'est vrai que c'est pas le Disney que je reverrai souvent, parce que c'est trop triste. Ouais. Mais après... Voilà, la bande-annonce de celui-ci, ça m'a plutôt plu quand même. Même si c'est pas forcément une version live que j'attends beaucoup. Mais je trouve l'éléphant trop mignon dans la bande-annonce. Ouais, ouais. Il a vraiment une bonne tête. Et je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Après, je pense que Tim Burton, vu que c'est des thématiques qui lui parlent bien... l'exclusion et tout, je pense qu'il est capable d'en faire quelque chose d'assez beau et personnel. Je pense qu'il a, enfin, c'est pas un sujet avec lequel je le vois mal se démener, quoi. Donc, ouais. Moi, j'ai le couteau, j'ai le couteau dans le dos de Alice au Pays des Merveilles. Ouais. Je m'en souviens encore. Oui, mais bon, Alice au Pays des Merveilles, c'est tout le monde pensait que c'était un univers que Burton, enfin, que c'était fait pour lui, sauf qu'il l'a dit que jamais de sa vie il avait eu l'intention de faire un film sur Alice au Pays des Merveilles. Hein. C'est qu'on lui a, on l'a, voilà, on, la c'est, force, une, c'est une commande. Donc après, il l'a accepté, mais il a jamais été plus fan que ça de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. C'est vrai que forcément, c'est tellement barré qu'on se dit, oh bah oui, alors Tim Burton sur du Alice au Pays des Merveilles, ça va être génial. Bah oui, ouais. Mais en fait, il y a méprise, quoi. Ouais. Alors que là, Dumbo, je pense que même si c'est une commande, les thématiques dans Dumbo, dans le film d'animation, sont très... sont déjà plus proches de ce que Burton a l'habitude de nous proposer. Ouais. Comme j'ai dit, le film d'animation, c'est un de mes films de Disney préférés, clairement. Il doit être dans le top 5. Hein. Ouais. C'est pas que je l'attendais avec l'adaptation live, hein, mais de ce que j'en ai vu, ça a l'air plutôt... Voilà, je reste sur ma réserve, voilà. Maintenant je vais plus trop m'emballer sur les films Tim Burton Disney, mais en tout cas, ça a l'air plutôt pas mal. Le seul truc qui me déçoit un petit peu, c'est que en fait dans le film d'animation, c'est Dumbo, c'est un film où on voit pas les humains, on voit que leurs pieds ou on entend leur voix, mais les seuls humains qu'on voit, c'est des clowns. Oui, voilà, c'est ça. Et ils sont maquillés, donc du coup on voit pas leur visage. Mais là, au lieu d'être avec la souris Timothée, il est recueilli par une vedette de cirque et ses enfants. Donc là, on a une interaction Dumbo humain Que... Après, c'est les choix pour la version live, donc bon. Ouais, c'est clair. Alors, c'est clair que si... Enfin, ça aurait été un peu bête de faire une version live où il n'y a pas d'humain, parce que ça aurait servi à rien du tout. Mais voilà, non, c'est... Enfin, moi, j'adore l'aspect où on se concentre uniquement sur les animaux dans Dumbo, le film d'animation. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, en fait, la vision du film. Et là, j'ai l'impression qu'on va... Enfin, ça a l'air d'être encore un... Ça a l'air d'être tire-larme exprès, on va dire, avec les enfants qui s'attachent à l'éléphant et le méchant père qui va sûrement faire quelque chose. Enfin, on le sent venir, quoi. Donc, voilà. J'ai des petits doutes. Je suis assez réservé, malgré tout. Enfin, c'est, visuellement, c'est assez beau. Même pour un film qui va sortir dans un an à peu près, ça envoie quand même pas mal. Donc... Non, il m'intrigue, voilà. Je dirais qu'il m'intrigue, mais je reste distant, on va dire. Ouais. Voilà. Tu as quelque chose à rajouter ou... Non, pas spécialement. Ok, très bien. Tu es impatient de le voir ou pas du tout? Moi, bon, je le verrai, mais l'impatience, non. Ok. C'est vraiment le Dumbo qui m'a marqué. Enfin, l'éléphant a vraiment une bonne bouille, je trouve, dans le... Ouais, c'est vrai que c'est un des trucs les plus réussis. Ça fonctionne assez bien. Donc, moi, je me dis, si ça fonctionne dans une bonne annonce, c'est que ça fonctionnera aussi sûrement dans le film, quoi. Ouais. Ah oui, et je voulais encore dire, la séquence que j'attends le plus et que je redoute le plus aussi, c'est la séquence d'éléphant rose, enfin, quand il boit de l'alcool, Dumbo, dans la version... Ils mettront pas ça. Je pense pas. Ouais. Étant donné le climat actuel sur les animaux, je pense pas. Ouais, j'ai un doute, mais c'était tellement enfin visuellement, c'était tellement dingue pour un Disney. Voilà, c'est peut-être une petite référence, pourquoi pas, au moins une petite référence. Ouais. Quoi. Voilà. Donc, eh ben voilà, on a fini cet épisode. On a fait quoi? Je vois pas l'heure. 1h35. Voilà, à peu près. Donc voilà, c'est correct. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à toi, Eddy, d'être resté avec moi pour parler de tous ces films. Bah, je t'en prie. Toutes ces bandes annonces, hein, parce qu'on en a eu pas mal ce mois-ci. C'était vraiment... Et encore, on avait le tri. Ouais, on a fait le tri parce qu'il y avait encore d'autres choses, hein, mais voilà, on est resté sur le principal. Donc, on va rappeler un peu tous les endroits où vous pouvez nous retrouver. Donc, le site internet, c'est moviesnerd.net, où vous pouvez retrouver nos critiques, nos émissions, vidéo, audio. Voilà, vous pouvez lire d'ailleurs la dernière critique de Dee sur Jurassic World. Voilà, sortez vos lunettes parce qu'elle fait 3 pages. 3 pages, voilà. Enfin, elle faisait 3 pages sûrement. Oui, sur Word, mais. Sur Word, ouais. Donc voilà, le site, les réseaux sociaux, donc Movies Nerd, c'est sur Facebook tout court, et Movies _ Nerd sur Twitter. Vous pouvez nous contacter par mail si vous voulez nous envoyer des choses, je sais pas, contact@moviesnerd.net. Voilà. Le podcast, pardon. Le podcast sur iTunes et sur PodCloud, je le redis encore une fois, ça fait pas de mal, hein, ça refonctionne. Vous pouvez maintenant télécharger sur toutes vos plateformes, toutes vos plateformes de podcasting, ça refonctionne. Donc n'hésitez pas à noter le podcast sur iTunes et sur PodCloud, ça nous permet de monter dans le classement des podcasts francophones, et c'est plutôt cool. Voilà, et maintenant j'ai tout dit pour Miss Nerd. Moi, vous pouvez me retrouver, même si je suis très souvent sur Twitter, c'est TheLexal, THELEXAL. Sans critique, je suis beaucoup plus souvent, c'est la même chose. Steam aussi... Steam, c'est TheLexal aussi, sur Movies Nerd aussi, et puis je crois que c'est tout. On va dire peut-être Origin, c'est parce que je joue à Battlefield, puisque maintenant j'ai un PC qui tourne, donc TheLexal, mais avec un L en plus à la fin, donc il y a deux L, parce que le premier était pris malheureusement. Donc voilà, merci pour tout, et on va te laisser la parole du coup, Eddy, pour où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet. Bah, sur Sens Critique, sur Movies Nerd et sur Sens Critique, sur Movies Nerd, c'est Stark. Sur YouTube, c'est Stark Play. Oui. Sur Steam, c'est Starplay aussi. On peut s'attendre à des vidéos sur Jurassic World ou pas? Non, parce que en fait, sur Jurassic World, il n'y a que des let's play en fait que je pourrais faire. Et je suis pas forcément à l'aise dans l'exercice du let's play. Alors peut-être si je fais du sandbox sur Isla Nublar. Ouais, d'accord. Mais sinon, c'est pas prévu. Là j'ai déjà fait un. Isla Nublar, je l'ai déverrouillé, c'est bon, mais j'ai envie de terminer toutes les autres îles et les missions sur chacune d'elles pour avoir toutes les espèces de dinos, toutes les modifications de génome et tous les bâtiments déjà. Oui, donc pour pouvoir faire le parc que j'ai envie de faire sur Isla Nublar. Donc il y a pas mal de choses à faire. Ouais, c'est un petit jeu qui occupe bien, qui est agréable à jouer. Voilà. Et Planet Coaster. Planet Coaster, j'ai partagé mon deuxième parc sur le workshop. Ouais. Donc Emerald Shores, qui est toujours en work in progress. Donc en fait, il me reste toute une partie à finaliser. Mais si ça vous intéresse, vous allez sur mon workshop East Arc Play et vous pourrez découvrir déjà ce que j'ai fait. En sachant que ça s'inspire, au niveau de l'architecture, ça s'inspire un petit peu de Jurassic World. Ok, très bien. Voilà. Contrairement aux apparences, ce podcast n'était pas sponsorisé par le jeu Jurassic World. Pas du tout. Non. C'est juste qu'on en avait, envie d'en parler. Voilà. On vous remercie encore d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis on se dit à dans un mois à peu près pour le prochain Parlons Cinéma. Salut. Salut.